Depuis mes 12 ans, d'avoir un engin puissant et rapide. Dans le cadre de ma crise des 40 ans, j'ai acheté une moto, c'était stupide. 150 bourrins pour 200 kilos, Steph la repeinte et habillée de trucs perso. J'ai un blouson en cuir, de belles bottes, tout ce qu'il faut. Mais tout est grand comme NASCAR, il y a un petit défaut. Même si tu veux pas, tu roules trop vite. T'as tendance à dépasser les limites. En Lorraine, toutes les gels tout le temps. Tu mets une heure pour mettre ton équipement. Tu peux pas mater les filles sur les trottoirs. Tu t'exploses les couilles sous le réservoir. Même un hérisson peut devenir mortel. À 7 pieds tour minute et à 700 décibels. J'en ai rêvé de nos balades en osmose avec ma puissante machine. Quelle puissante machine. S'arrête en boire une limonade. La conduite implique de la discipline. En fait, j'ai fait 57 km par an. Tu m'étonnes que c'est un super investissement. Mais une idée s'impose, vous l'aurez compris. À moto, je peux pas faire tout ce que j'aime dans ma vie. Plus dur d'avoir une discussion. La conduite requiert toute ton attention. Confortable comme un autre chameau. En fait, quand tu fais de la moto, ben tu fais de la moto. Tu peux même pas fumer une clope.